Mélodie Marine vous présente L'âme d'un Irlandais ne meurt jamais, lu par l'auteur. Chapitre 1er. L'Exode. L'astre nocturne jouait de ses reflets d'argent sur le vieux gréement qui s'éloignait lentement. La côte découpée, fantomatique, se retirait peu à peu dans la nuit profonde. Le navire vétuste laissait derrière lui la misère et la mort. Sur le pont, Patrick et Maureen Emerson, blottis dans les bras l'un de l'autre, le visage noyé de larmes amères, regardaient leur pays s'enfoncer dans l'oubli. Maudits chiens d'anglais. Ils avaient réussi à tout leur prendre. Leurs proches parents, tous morts, les uns après les autres, d'épuisement, de maladie, de famine. Leur terre, dénudée, appauvrie, mais pas leur âme. L'âme d'un Irlandais ne meurt jamais. Larguez les amarres. Hissez les voiles, et tout le monde dans la cambuse, hurla le capitaine. Flint et Colt, les deux hommes d'équipage, se précipitèrent. L'un, grand et maigre à faire peur, le visage comme une serpe, toujours froid et efficace, l'autre, petit et rondouillard, la face lunaire, toujours hilare, s'entendaient à merveille, même sans prononcer la moindre parole. En un rien de temps, ils s'élancèrent dans les vergues, et bientôt se levèrent le grand hunier, le grand et le petit perroquet, ainsi que les cacatois. Le voilier s'élança. Une belle brise le propulsa vers le large. « Flint !» cracha le capitaine. « Viens un peu ici, pour rien !» La voix était moins ferme. Pourtant, habituellement, quand Jack le Borgne lançait un ordre, celui-ci vous percutait comme un coup de fouet. Cette fois-ci, le vieux bourlingueur avait lui aussi l'âme en berne. C'était certainement son dernier voyage, et jamais plus il ne reverrait son Irlande natale. Il s'essuya le visage d'un revers de main bourru. Les Amériques, voilà le but de cette ultime traversée. Là-bas, il referait le monde. Pat, tu crois que nous y arriverons? N'en doute pas, mon amour. Nous avons tout perdu, mais ensemble, un jour, nous reviendrons et reconstruirons. Nous serons riches, je te le jure. Et nous arracherons notre terre à ces maudits chiens. C'est une promesse que j'ai faite sur la tombe de mes parents. Ce sera comme ça, ou j'en mourrai. Patrick avait 20 ans et Maureen 18. Un peu plus d'une semaine auparavant, ils s'étaient mariés dans la pauvre masure des parents de Patrick, avec pour seul et unique témoin qu'il leur restait, Sonny, le pauvre petit frère de 13 ans, qui s'éteignit sitôt la cérémonie matrimoniale terminée. Le prêtre, arrivé à la nuit tombée, avait béni les deux enfants, donné l'extrême onction au plus jeune, avant de s'en retourner furtivement 10 minutes plus tard. Patrick, de nuit, avait creusé une ultime tombe à côté de celle de ses parents et de ses 7 frères et sœurs. La tuberculose les avait tous emportés. Le manque de nourriture, de soins et les travaux épuisants des champs avaient sapé peu à peu leur santé jusqu'à la mort. Après avoir murmuré une brève prière et fait une dernière promesse, il rassembla ses pauvres hardes ainsi que celles de Maureen dans un unique baluchon qu'il jeta sur son épaule. Ils empruntèrent ensuite le périlleux sentier de chèvres qui courait sur la lande, plantée de bruyères en fleurs, jusqu'au point d'ancrage de l'Espérance. Sitôt tous ses passagers à bord, Jack le Borgne fit immédiatement hisser les voiles. Ils étaient une 50aine sur le pont du vieux Rafio qui grinçait tout ce qu'ils pouvaient. Tous Irlandais, ils quittaient leur pays, la mort dans l'âme, bien résolus à faire fortune aux Amériques et à revenir cousus d'or pour reprendre leurs biens. Ils n'avaient justement pour tout bien qu'un malheureux dernier sac de pommes de terre qu'ils se partageraient pendant toute la durée de la traversée. Le capitaine, connaissant leur profonde détresse, ne leur avait rien demandé d'autre qu'un tiers de leur misérable provision. Aucun de ceux qui étaient à bord n'avait un seul sou vaillant en poche. Ce dernier sac de patates leur avait coûté bien des sacrifices. Patrick, ces 2 dernières années, avait trimé jour et nuit pour faire survivre son petit frère Sonny et lui-même. Il n'avait toutefois pas eu les moyens de le faire soigner, et la maladie qui avait emporté ses parents et ses autres frères et sœurs avait frappé également le petit. Ses parents étaient morts en premier, d'épuisement. Le pauvre enfant avait creusé lui-même les 7 dernières demeures. Pourtant, il s'était juré que ce serait la dernière. Lui, et s'en tirerait en partant loin d'ici, en criant vengeance. À présent, il avait Maureen à chérir. Il l'aimait depuis ses 15 ans. Leur famille était si proche. Les parents de Maureen avaient disparu aussi tragiquement. Ses deux frères jumeaux, John et Jared, avaient été arrêtés par les Anglais et pendus. Ils avaient, pour toute faute, volé quelques vivres à la garnison anglaise qui campait sur leurs terres. Ils avaient 15 ans. Patrick se souvint de leur jeu. John était le plus rêveur et Jared le meneur. Ils allaient pêcher tous les trois, chasser dans les collines avoisinantes pour améliorer leur quotidien. Patrick rivalisait d'adresse pour amener plus de poissons ou de gibier. Regardant Maureen droit dans les yeux, il lui mettait en main une belle truite ou une grasse perdrix, et ses deux bénés deux frères souriaient béatement. Un jour, Jared demanda à Patrick: quand penses-tu l'épouser? Quoi? Qui? Ne fais pas l'imbécile. J'ai de bons yeux, tu sais. Je vois bien que vous vous plaisez. Enfin, tu l'aimes, et elle aussi. Je n'ai que 17 ans. Mes parents sont morts. Il me reste Sonny, et je n'arrive même pas à nous nourrir tous les jours. Et toi, tu me demandes d'épouser ta sœur. Bien sûr, je comprends. Nous pourrions nous entraider. J'avoue que de notre côté aussi, nous avons les mêmes problèmes. Tu sais, j'ai entendu parler d'un bateau qui était en partance pour les Amériques. Il paraîtrait que là-bas, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser de l'or. Foutaise! Peut-être, mais au moins on ne te l'enlève pas le pain de la bouche comme ici. Avec John, on a pensé partir, nous aussi. Et tes parents? Et Maureen? Tu as raison, mais si tu l'épousais, nous pourrions partir tous ensemble. Il y avait 3 ans que cette conversation avait eu lieu. 3 ans déjà. Et aujourd'hui, les jumeaux étaient morts, les parents de Maureen également, et ils se retrouvaient mariés sur ce bateau qui lentement s'éloignait des côtes. En bas, dans la cambuse, quelques paillasses posées à même le sol servaient de couchettes. Les rats et les punaises pullulaient. C'était une lutte incessante pour conserver la nourriture hors de portée de cette vermine et éviter de se faire mordre. Le voyage s'annonçait long. Il allait falloir cohabiter. Mariés ou pas, le capitaine avait disposé les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Pas de promiscuité entre eux. Les deux jeunes gens se retrouvaient seulement sur le pont du navire une demi-heure par jour quand le temps le permettait. « Pour prendre l'air, » disait le vieux loup de mer. En l'espace de quelques jours à peine, on perdit 5 passagers. Trop affaiblis, ils ne bougeaient plus de leur couchette, ne s'alimentant plus, et le tangage aidant, se vidaient et crachaient leurs entrailles. Après une cérémonie succincte, on les laissait retourner à leur créateur, par-dessus bord. Maureen était si pâle et décharnée que Patrick, bravant l'interdit du capitaine, ne la quittait plus. Toujours il revenait vers elle, lui parlait, la berçant tendrement dans ses bras, lui insufflant des forces, la faisant manger et la lavant. Jour après jour, pendant plus d'un mois, il se priva de nourriture pour lui en donner un peu plus. Puis une nuit, des couleurs revinrent sur les joues de la jeune femme. Elle était sauvée. Patrick remercia Dieu avec ferveur de lui avoir laissé celle qu'il aimait plus que tout au monde. Le voyage dura 38 jours. 38 jours d'enfer pour les quelques 22 passagers qui restaient en vie sur les 50 embarqués. Un matin de très bonne heure, ils furent réveillés par les cris de la vigie. « Terre! Terre !» La fameuse terre promise était enfin là, à portée de leurs mains avides, de leur courage, de leur haine du passé. Épuisés, maigres à faire peur, ils débarquèrent en file indienne. Ils restaient figés là, à attendre que les autorités veuillent bien s'occuper de leur cas. Des rumeurs coururent rapidement parmi eux. Il leur faudrait, pour rentrer sur leur terre promise, posséder $2 par personne. La panique s'empara de quelques-uns d'entre eux. D'autres, abattus, pleuraient silencieusement. D'autres encore avaient assez de force pour vitupérer. Patrick et Maureen s'entre-regardèrent, atterrés. Tête basse, silencieusement, ils firent demi-tour pour remonter sur le vieux bateau. À quoi pouvait bien leur servir ce numéro que l'on avait épinglé sur leur poitrine, et ce petit rectangle de papier vert qu'on leur avait demandé de tenir à la main? À quoi bon toutes ces souffrances si même cette terre déjà les refusait en bloc à peine débarqués? Ils virent la joie sur certains visages, arrivés avant eux sur un autre bâtiment. Bien sûr, on leur regardait attentivement les yeux pour leur déceler ce un semblant de trachome, cette conjonctivite si contagieuse. Bien sûr, on leur ouvrait la bouche comme à des chevaux pour inspecter leur muqueuse. Les médecins travaillaient sans relâche, se rinçant à peine les mains dans la même bassine d'eau. Mais malgré cette offense faite à leur corps, ils pourraient rester. Eux n'avaient hélas aucune chance. Ils le comprirent aussitôt. Une voix s'éleva pourtant de la foule, une voix forte, et avec elle leur sembla-t-il déceler un petit accent connu d'Irlande, déjà si lointaine, et qui leur redonna de l'espoir. Amis, je m'appelle Mark Price, je suis Irlandais comme vous. Je suis arrivé ici il y a 5 ans sur l'Espérance, tout comme vous aujourd'hui, et j'ai bien failli, comme un grand nombre d'entre vous, repartir immédiatement, sans l'aide si opportune d'un de nos compatriotes. Alors, pour m'avoir sauvé, je fais de même à présent. Oh, ne croyez surtout pas que je le fais par pure bonté d'âme, non. Mais nous pourrons certainement nous mettre d'accord. Vous aurez vos papiers, grâce à ma garantie. Je ne vous offre pas le paradis. Vous devrez le gagner vous-même, et ce ne sera pas évident, croyez-moi. Je pense que si vous êtes ici, c'est que vous en voulez. Alors voici mon deal. Je vous offre un toit et un peu de nourriture pour démarrer. À vous de vous trouver du travail. Ensuite, bon nombre d'entre vous voudront partir chercher la lumière ailleurs. Je tiens un drugstore, sorte d'épicerie en beaucoup plus vaste, où je vends de tout. Vous devrez vous y acquitter de la dette que vous aurez envers moi. Voici le marché, et je pense qu'il n'est plus qu'équitable. Ceux d'entre vous qui voudront l'accepter donneront leur nom à mon intendant. Réfléchissez, vous avez encore du temps. Ensuite, celui-ci, dès que vous aurez passé la visite médicale obligatoire et reçu vos papiers, vous guidera jusqu'à votre logement où vous pourrez vous reposer à volonté et vous sustenter. Vous serez, à partir de cet instant, en quarantaine et vous aurez tout le temps pour vous refaire une santé, ce dont vous avez le plus grand besoin, je vois. Je passerai ensuite moi-même vous voir et nous pourrons discuter de ce jeune pays si riche où vous ferez enfin une vie décente. Monsieur Price est descendu de la petite marche où il avait fait son long discours. Patrick et Maureen se concertèrent. Pourquoi, après tout, ne pas accepter? Qu'avait-il à perdre? Plus rien. Le retour en arrière ne s'imaginait même pas. Plusieurs de leurs compatriotes s'avancèrent en ligne vers un homme grand, à besicles, qui tenait un gros registre noir entre ses mains. Il notait tous les détails que tous ces pauvres gens lui racontaient, à l'intérieur, avec méticulosité. Une fois l'interrogatoire un peu succinct terminé, il les mettait un peu à l'écart des autres. Un petit vent froid venu du large se leva et les fit frissonner. Encore un regard et les deux jeunes gens s'avancèrent comme les autres vers la file d'attente, pour impatiemment à présent noter leur nom, lorsqu'ils virent Jack le borgne s'élancer vers la passerelle. Marc, rugit ce dernier, Marc, vieille canaille, content de te revoir. À ce que je vois, mon ami, ça va plutôt bien pour toi. Que deviens-tu? Jack. C'est bien toi, Jack? Bon sang. 5 ans déjà. 5 ans que tu me jetais de ton vieux rafio pourri sur cette terre bénie. C'est incroyable. Tu es donc toujours vivant? Vivant. Comment que je suis vivant? Approche un peu que je te fasse voir comment. Bon sang, diable d'Irlandais à la manque. Un bon coup de pied où tu t'assois, tu vas voir si je suis encore vivant. Et quant à mon vieux rafio pourri, il t'a quand même bien amené à bon port, non? Il est toujours là, d'ailleurs. Et plus pour très longtemps, j'en ai bien peur. Ah, comme moi, c'est son dernier voyage. Je le regretterai, tu sais, et je ne serai sûrement pas le seul. Il en a transporté des gens. Bon, assez de sentimentalisme. Raconte-moi, vieille branche, que deviens-tu? J'ai ouvert une épicerie, une grande, et j'y vends de tout. C'est pratique pour tous ceux qui partent dans l'Ouest. Beaucoup de nos compatriotes veulent partir après s'être mis un petit pécule dans la poche. Il n'y a pas grand-chose à espérer pour des paysans, bien que la ville s'agrandisse très vite. Quand ils sont prêts, ils viennent chez moi acheter un chariot, des bœufs, des chevaux, de la nourriture, des outils, etc. En échange du gîte et du couvert que je leur offre pour démarrer, et en plus je leur fais de bons prix, crois-moi, vieille baderne. C'est pas raisonnable, ça? Si ce que tu dis est vrai, alors Marc, tu es un saint, vieille canaille. Je suis fier de t'avoir emmené ici sain et sauf. Puis, se tournant vers ses passagers, « Vous pouvez être fiers de lui, et vous fier à lui, mes amis. Marc est un homme bien, et qui plus est, irlandais comme nous. S'il vous dit qu'il vous aidera, alors il le fera. » Il tourna de nouveau la tête vers son vieil ami et lui demanda « Dis-moi entre nous, Marc, tu n'aurais pas un petit job pour un vieux pauvre marin comme moi ?»« Possible, ami, possible. Viens donc à la maison. Elle est juste derrière l'entrepôt dont je parlais à nos amis. Mais avant ça, tu dois aussi passer à la visite médicale. Personne n'y coupe. Ensuite, comme tu seras en quarantaine, nous aurons tout le temps pour décider de ce que nous pourrons faire à une vieille fripouille comme toi. »